Les nymphes étaient bien loin de ressembler à Satanite, à Infernale et à Branlante. Au lieu d'être vieilles, elles étaient jeunes et belles, et avaient chacune deux yeux excessivement brillants, dont elles dirigèrent du côté de Persée des regards pleins de douceur et de bonté. Elles semblaient connaître Vif-Argent, car aussitôt qu'il leur eut conté l'entreprise de Persée, elles ne firent aucune difficulté de lui remettre les objets précieux commis à leur garde. D'abord, elles apportèrent un petit sac de peau de daim orné de broderies étranges, lui recommandèrent d'en avoir le plus grand soin et d'avoir confiance dans le pouvoir de ce talisman. C'était la besace magique. Ensuite, les nymphes exhibèrent une paire de sandales garnies au talon d'une couple de jolies petites ailes. « Mets-les à tes pieds, » dit Vif-Argent. « Tu vas te sentir aussi léger que tu peux le désirer pour le reste du voyage. » Persée posa l'une des sandales à côté de lui pour s'attacher l'autre bien vite. Mais pendant qu'il chaussait la première, la seconde sandale ouvrit ses ailes et se mit à voltiger et aurait probablement disparu si Vif-Argent d'un bond ne l'eût heureusement rattrapée. « Il faut faire plus attention, » dit-il, en la remettant à Persée. Les oiseaux s'épouvanteraient dans les airs s'ils voyaient une sandale volante. Lorsque notre héros eut revêtu cette merveilleuse chaussure, il se crut un instant trop léger pour marcher sur la terre. Au premier pas qu'il essaya de faire, il s'élança malgré lui et s'éleva au-dessus de la tête de Vif-Argent et des nymphes. Il eut beaucoup de peine à redescendre, car des ailes ne deviennent faciles à manœuvrer qu'après une certaine pratique. Vif-Argent se prit à rire de la vivacité involontaire de son compagnon et lui dit de ne pas céder à tant d'emportement qu'il avait encore à recevoir le casque d'invisibilité. Les aimables nymphes se disposaient à le coiffer de ce casque orné d'un panache de plumes noires ondoyantes lorsque cet incident donna lieu à une scène plus extraordinaire que toutes celles que je vous ai déjà racontées. Notre héros était là, plein de fierté. C'était un beau jeune homme, aux cheveux blonds, aux joues roses, ayant un glaive recourbé au côté et portant un bouclier d'un poli éclatant. Mais le casque, une fois posé sur son front, tout avait disparu. L'air transparent et vide occupait seul la place où il était l'instant d'auparavant. Tout s'était évanoui, jusqu'à l'armure qui le rendait invisible. « Eh bien, Persée, où es-tu donc ? » lui demanda Vif-Argent. « Mais ici ?» répondit tranquillement le fils de Danaé, dont la voix semblait s'échapper d'une atmosphère éthérée. « Je suis où j'étais tout à l'heure. Est-ce que vous ne me voyez pas ?»« Non, en vérité, » repartit son ami. « Le casque te dérobe à nos yeux, et si je ne peux pas te voir, les gorgones ne te verront pas davantage. À présent, suis-moi. Nous allons t'apprendre à te servir des sandales. » À ces mots, le chapeau de Vif-Argent ouvrit ses ailes, et l'on aurait cru que sa tête allait se séparer de ses épaules. Mais toute sa personne s'enleva légèrement et le jeune homme le suivit dans les airs. Parvenu à la hauteur d'une centaine de pieds, ce dernier sentit combien il est délicieux de quitter la terre et de voler comme un oiseau. Il faisait alors une nuit complète. Persée leva les yeux et voyant le disque argenté de la lune, il pensa que rien ne lui serait plus agréable que de prendre son essor et d'aller finir ses jours dans l'astre qui brillait au-dessus de lui. Mais, abaissant de nouveau ses regards, il contempla la terre avec ses mers, ses lacs, ses fleuves aux cours sinueux, ses montagnes couronnées de neige, ses plaines immenses, ses forêts épaisses, ses villes de marbre blanc et l'île de Sérifus où vivait Danaé. Une douce lumière répandait sa clarté sur tous ces objets, et la terre lui apparut aussi belle que pouvait l'être n'importe quelle étoile. Parfois, il s'approchait avec son guide d'un nuage qui, à distance, produisait l'effet d'une toison d'argent. Et quand il plongeait au travers, il se sentait tout transi et tout mouillé par la froide vapeur dont ils étaient enveloppés. Mais leur vol était si rapide qu'en un moment, ils avaient franchi ce nuage et se retrouvaient sous le ciel par un magnifique clair de lune. Toutefois, rien n'égalait en splendeur les météores qui éclataient tout à coup dans l'espace, semblables à un immense feu de joie, dont la vive lumière faisait pâlir l'astre des nuits dans un rayon de plus de 100 lieues autour d'eux. Tandis qu'ils poursuivaient leur course, Persée crut entendre quelqu'un voler auprès de lui, bien qu'il ne vît à ses côtés personne que Vif-Argent. « Qui donc est près de moi ? » dit-il. « Le frôlement d'une étoffe légère qui flotte dans la brise a frappé mon oreille. »« C'est ma sœur, » répondit Vif-Argent. « Elle nous accompagne en ce moment, comme je t'en ai prévenu. car il nous est impossible de rien accomplir sans elle. Tu ne peux te faire une idée de sa sagesse. Et quel coup d'œil ! Elle te distingue aussi nettement que si tu n'étais pas invisible, et je t'affirme qu'elle sera la première à découvrir les Gorgones. » Il planait alors au-dessus du grand océan et voyait au-dessous d'eux les flots s'agiter avec fureur et déferler sur la plage en y roulant une blanche écume, ou venir se briser en bouillonnant contre les rochers des falaises, avec un bruit qui, pour ceux qui se trouvaient sur le rivage, semblait le bruit du tonnerre. Mais pour Persée, ce n'était qu'un murmure, doux comme le souffle d'un enfant à moitié endormi. Alors une voix se fit entendre auprès de lui dans les airs, voix mélodieuse qui semblait appartenir à une femme, bien qu'elle eût encore plus de gravité que de douceur. « Voilà les Gorgones, Persée, » dit cette voix. « Où donc ? » s'écria-t-il. « Je ne les aperçois pas. » « Sur le rivage de l'île, au-dessus de laquelle tu passes. Si un caillou s'échappait de ta main, il tomberait au milieu d'elle. » « Je te l'avais bien dit qu'elle serait la première à nous avertir, » s'écria Vif-Argent. Au-dessous de lui, en effet, à une distance de 2 ou 3 000 pieds, Persée distingua une petite île que la mer entourait d'un cercle d'écume, excepté d'un côté, où la plage était couverte de sable d'une blancheur de neige. Il descendit, et dirigeant ses regards vers une enceinte resplendissante de lumière, au fond d'un précipice, il aperçut enfin les terribles Gorgones. Elles dormaient d'un profond sommeil, bercées par le grondement des flots, car il fallait, pour endormir ces féroces créatures, des mugissements dont toute autre personne eût été assourdie. Les rayons de la lune frappaient leurs écailles métalliques et faisaient briller leurs ailes d'or nonchalamment étalées sur la grève. Leurs griffes de bronze, horribles à contempler, se cramponnaient aux fragments de rochers battus par les vagues, tandis qu'en rêve, elles déchiraient sans doute quelques pauvres mortels. Les serpents, qui formaient leurs chevelures, paraissaient être également en proie à un engourdissement. Néanmoins, de temps à autre, l'un d'eux entr'ouvrait ses mâchoires, dardait sa langue fourchue en faisant entendre un sifflement à demi assoupi, et retombait dans sa torpeur au milieu du groupe monstrueux. Vus ainsi, les Gorgones ressemblaient à d'effroyables insectes, à des scarabées gigantesques aux élytres cuivrées, à des dragons dont la hideur se mêlait à une certaine beauté. Seulement, elles étaient 1 000 000 de fois plus grosses qu'un insecte, et avaient dans leur ensemble quelque chose qui tenait de la forme humaine. Heureusement pour Persée, leurs traits étaient complètement cachés par la position qu'elles occupaient, car, s'il avait seulement aperçu leur visage, il serait tombé du haut des cieux, et n'aurait plus été qu'un bloc de pierre insensible. « Maintenant, lui dit tout bas Vif-Argent, voici l'heure de faire ce que tu dois accomplir. Dépêche-toi, car il serait trop tard si l'une d'elles s'éveillait. « Laquelle faut-il frapper ? » demanda Persée en tirant son glaive. « Toutes les trois ont la tête garnie de serpents, mais laquelle est Méduse ?» Cette dernière était la seule dont notre héros dut essayer de trancher la tête, car il eût vainement frappé les deux autres du tranchant le plus acéré. Ses armes se seraient usées sans leur faire aucun mal. « De la prudence !» reprit la voix qui lui avait déjà parlé. « L'une des Gorgones s'agite et va se retourner tout à l'heure. C'est Méduse. Ne la regarde pas. Tu serais pétrifié à l'instant même. Fixe ton regard sur ton bouclier, où son corps et son visage se reflètent, comme dans un miroir. » Persée comprit alors pourquoi Vif-Argent lui avait si vivement recommandé de le polir. Il pouvait y regarder en toute sécurité l'image de la Gorgone qu'il avait à combattre. Elle était là, cette terrible apparition, éclairée par la lune, et déployant sa monstrueuse horreur. Les serpents, que leur nature venimeuse empêchait de dormir tous ensemble, se dressaient entrelacés sur son front. C'était la face la plus repoussante et la plus hideuse qu'on eût pu jamais imaginer. Et pourtant, il y avait dans son aspect une sorte de beauté sauvage, effrayante à contempler. La Gorgone avait les yeux fermés. Elle était toujours profondément endormie. Mais une vive inquiétude se peignait sur ses traits, comme si un mauvais rêve eût troublé son sommeil. Ses dents formidables étaient serrées violemment, et ses griffes d'airain labouraient le sable d'un mouvement convulsif. Les serpents, qui de leur côté semblaient éprouver l'influence de ce mauvais rêve, dressaient leurs têtes sifflantes et se débattaient, les yeux fermés, en se contournant en replis tortueux. « Vite, vite !» murmura Vif-Argent de plus en plus impatient. « fonds à l'instant sur le monstre. Mais sois calme, dit la voix grave et mélodieuse à l'oreille du jeune homme. Regarde dans ton bouclier en prenant ton élan, et songe à ne pas manquer ton premier coup. Percé descendit avec précaution, sans cesser de fixer l'image que représentait son bouclier. Plus il approchait de sa victime, plus cette face hérissée de serpent lui paraissait horrible. Enfin, quand elle se trouve à portée de son bras, Percé lève son arme. Au même instant, chaque reptile se dresse sur le front de la gorgone en se raidissant de colère. Celle-ci entr'ouvre les yeux. Il est trop tard. Le glaive retombe avec la rapidité de l'éclair et la tête de l'horrible méduse est séparée de son corps. « Bravo, bravo !» cria Vif-Argent. « Dépêche-toi de renfermer la tête dans ta besace magique !» À la grande surprise du vainqueur, la petite poche brodée qu'il avait portée suspendue à son cou et qui n'avait pas été jusque-là plus grande qu'une bourse s'élargit au point de pouvoir contenir son trophée. Aussi prompt que la pensée, il saisit la tête et l'enlève, tandis que les serpents continuent à se tordre convulsivement et tout disparaît dans le sac. « Tu as accompli ta mission, » dit la voix grave. « Maintenant prends ton essor et fuis. » car les autres gorgones vont mettre en œuvre toute leur puissance pour venger la mort de leur sœur. Il était temps, en effet, car malgré le calme avec lequel Percé avait exécuté son action, le choc de son glaive, le sifflement des serpents et le bruit qu'avait fait la tête de Méduse en tombant sur le sable réveillèrent les deux autres gorgones. Elles se mirent sur leur séant, et tout engourdies encore, elles se frottèrent les yeux avec leurs doigts d'airain. Les serpents de leur chevelure se dressaient sur leur tête et entraient en fureur, avant même de savoir contre qui diriger leur colère venimeuse. Mais bientôt les gorgones aperçurent le cadavre décapité de leur sœur, ses ailes d'or froissées et à demi étendues sur la plage. Et leurs cris épouvantables retentirent jusqu'aux nues. 100 sifflements s'échappèrent à la fois, comme d'un seul gosier, et les serpents de Méduse y répondirent du fond de la besace où ils étaient enfermés. Aussitôt qu'elles furent tout à fait éveillées, les gorgones s'élancèrent dans l'espace, brandissant leurs serres de bronze, grinçant des dents et fouettant l'air de leurs ailes d'une façon si furieuse que quelques-unes de leurs plumes d'or se détachèrent et vinrent s'éparpiller sur le rivage, où peut-être, en cherchant bien, on les retrouverait encore. Elles s'étaient donc élancées à la poursuite du meurtrier, tournant de tous côtés des yeux remplis d'éclairs, dans l'espérance de pétrifier leur ennemi. Et si notre héros les eût regardés en face, ou fût tombé sous leurs griffes acérées, sa pauvre mère n'aurait jamais pu revoir et embrasser son fils. Mais il se garda bien de tourner la tête, et comme il portait le casque d'invisibilité, elles ne surent jamais dans quelle direction le poursuivre. Il fit aussi le meilleur usage des sandales en s'élevant perpendiculairement à peu près à un mile. Et parvenu à cette hauteur où les cris de ces abominables créatures s'éteignaient au-dessous de lui, il se dirigea en droite ligne vers l'île de Sérifus. Je n'ai pas le temps de vous raconter les aventures merveilleuses qui arrivèrent à notre héros pendant cette dernière partie de son voyage. Je vous dirai seulement qu'il tua un horrible monstre marin au moment où celui-ci allait dévorer une belle jeune fille, et qu'il changea un énorme géant en une montagne de pierre, simplement en lui présentant la tête de la gorgone. Si vous en doutez, vous n'avez un jour ou l'autre qu'à faire un voyage en Afrique. Vous y verrez la montagne dont je vous parle, et qui porte encore l'ancien nom du géant. Percé arriva enfin à Sérifus, où il espérait trouver sa mère. Mais pendant son absence, le roi avait traité si durement Danaé qu'elle avait pris la fuite, et s'était réfugiée dans un temple où elle avait été recueillie par de vieux prêtres qui l'entouraient de soins affectueux. Ces dignes vieillards et l'excellent pêcheur qui avait d'abord donné l'hospitalité à cette princesse et à son fils paraissent avoir été les seules personnes de l'île qui songeassent à faire le bien. Les autres habitants, à l'exemple du roi Polydecte, menaient la vie la plus déréglée et ne méritaient pas d'autre destinée que celle qui les attendait. Ne trouvant pas sa mère chez elle, Percé courut au palais et fut introduit immédiatement en présence de Polydecte, qui le reçut avec froideur, car il avait bien compté, dans son âme perverse, que les gorgones le débarrasseraient de notre héros. Cependant, à la vue de Percé revenu sain et sauf, il dissimula son désappointement et lui demanda comment il avait rempli sa mission. As-tu fidèlement tenu ta promesse ? Lui dit-il. M'as-tu rapporté la tête de Méduse aux cheveux de serpent ? Sinon, mon ami, tu pourras t'en repentir, car il me faut un présent de noces pour la belle Hippodamie, et c'est la seule chose qui puisse flatter cette princesse. « Oui, majesté, » répondit Persée d'un ton calme et modeste, comme si l'action qu'il venait d'accomplir avait été la plus simple du monde. « Je vous ai rapporté la tête de la Gorgone avec sa chevelure de serpent. »« Vraiment, Persée, montre-la-moi, je t'en prie, » dit le roi Polydecte. « Ce doit être un spectacle excessivement curieux, si tout ce que les voyageurs ont dit est réel. »« Votre majesté a raison, » reprit le héros. « C'est en effet un objet qui devra fixer les regards de tous ceux qui le verront. Et si votre majesté veut bien le permettre, je lui proposerai d'ordonner un jour de fête publique et d'appeler tous ses sujets à venir contempler cette merveille. Un petit nombre d'entre eux, j'imagine, ont vu dans leur vie une tête de gorgone, et peut-être, après cela, ne pourront-ils plus en voir d'autres. » Le roi savait bien que son peuple se composait de misérables fainéants, très amateurs de spectacles, comme le sont ordinairement les paresseux. Il suivit donc les conseils du jeune homme et envoya de tous côtés des héros d'armes et des messagers pour publier sa proclamation à son de trompe, au coin des rues, sur les places et aux jonctions des routes, invitant la population entière à se rendre à la cour. En conséquence, une multitude de vagabonds et de vauriens s'empressèrent d'arriver, espérant bien apprendre que Persée avait éprouvé quelque fâcheux accident. Aucun ne manqua. S'il y avait dans l'île quelques braves gens, laborieux et sensibles, ainsi que je veux le croire, malgré le silence de l'histoire à cet égard, ils restèrent paisiblement au logis, vaquant à leurs propres affaires et prenant soin de leurs petits-enfants. Mais la plupart des habitants se hâtèrent d'accourir au palais, se heurtant et se poussant du coude pour approcher du balcon où se tenait Persée, un sac à la main. Le monarque, entouré de ses méchants conseillers, de ses flatteurs et de ses courtisans, était sur une plateforme vis-à-vis du balcon, et tous avaient les yeux tournés avec avidité vers l'endroit où se montrait le vainqueur de la Gorgone. « La tête, la tête !» criait le peuple avec violence. « La tête de Méduse, la tête aux cheveux de serpent !» Il semblait disposé à mettre en pièces le jeune héros s'il tardait plus longtemps à obéir. Persée se sentit pénétré de douleur et de pitié. « Sire, dit-il, et vous, nombreux habitants de Sériphus, dispensez-moi de vous présenter la tête de la Gorgone. Le scélérat, le lâche !» vociféra la populace devenue féroce. « Il s'est moqué de nous. Il n'a pas la tête de la Gorgone. Qu'il nous la montre, ou nous prendrons la sienne pour en faire un ballon. » Les conseillers murmuraient à l'oreille du roi ce que leur malice leur inspirait. Les courtisans répétaient d'une voix unanime que le traître s'était rendu coupable d'offense envers la personne du souverain. Et Polydecte, avec ce ton d'importance que donne l'habitude de l'autorité, ordonna à Persée de satisfaire immédiatement les désirs populaires. « Montre-moi la tête de la Gorgone, ou je te fais décapiter sur l'heure, » dit l'impérieux monarque. Persée poussa un profond soupir. « Obéis ou tu es mort, » répéta Polydecte. « Regarde-la donc !» s'écria Persée d'une voix tonnante. Et élevant la terrible tête, il la présenta à la multitude. Le méchant roi, ses cruels conseillers, ses farouches sujets, n'eurent pas même le temps de fermer leurs paupières et n'offrirent plus qu'une image pétrifiée de ce qu'ils étaient jadis, conservant à jamais l'expression de la méchanceté sur leurs figures inertes. Au premier regard qu'ils avaient jeté sur la tête de Méduse, ils avaient été changés en statues de marbre. Persée, ayant remis dans la besace magique l'instrument horrible de sa vengeance, s'empressa d'aller dire à sa mère qu'elle n'avait plus rien à redouter du méchant roi Polydecte. « N'est-ce pas là une belle histoire ?» demanda Eustache. « Oh oui !» s'écria Primevert en frappant dans ses mains. « Et ces drôles de vieilles bonnes femmes, avec leur seul œil, pour elles trois, je n'ai jamais rien entendu d'aussi extraordinaire !» Quant à la seule dent dont elle se servait alternativement, ajouta Primrose, je n'y vois rien d'étonnant. Je suppose que c'était une fausse dent. Mais quelle idée de changer le nom de Mercure en celui de Vif-Argent et de parler de sa sœur. Vous êtes trop ridicule. Eh, n'était-ce pas sa sœur ? Demanda Eustache Bright. Si j'y avais pensé plus tôt, je vous aurais tracé le portrait de cette belle jeune fille, à l'aspect virginal, avec son hibou favori. En tout cas, dit Primrose, votre histoire a fait passer le brouillard. En effet, pendant ce récit, les vapeurs qui voilaient le paysage s'étaient complètement dissipées, et le tableau qui se déroulait aux yeux de nos petits camarades leur parut avoir été créé depuis que leur regard s'était tourné de ce côté-là. Au sein de la vallée, à peu près à un mal de distance, apparaissait maintenant un beau lac, réfléchissant comme un miroir ses bords ombragés d'arbres et les sommets des collines éloignées. Monument Mountain s'élevait à l'horizon et, regagnant la vallée par une pente insensible, semblait venir rejoindre les bords du lac pour s'y coucher mollement. Eustache Bright comparait cette montagne à un sphinx gigantesque, enveloppé dans un cachemire des Indes, comparaison qui restait bien au-dessous de la vérité grâce à la richesse et à la variété de couleurs dont l'automne avait paré la forêt qui couvrait la montagne. Entre le lac et Tanglewood, la lisière des bois et les vieux arbres épars dans la vallée paraissaient, à leur manteau bruni, çà et là nuancé d'or, avoir plus souffert de la gelée que l'épais feuillage qui garnissait les collines. Une vive lumière éclairait le paysage, et les rayons du soleil, adoucis par une brume transparente, répandaient sur toute la vallée un charme inexprimable. Quelle journée délicieuse on aurait jusqu'au soir ! Les enfants saisirent leurs paniers et se mirent en marche, sautant et bondissant au milieu des rires et des cris de joie de toute la bande. Eustache excellait à présider ce groupe folâtre. Non seulement il surpassait tous ses petits camarades dans les jeux d'adresse, mais encore il improvisait mille bouffonneries que les enfants s'efforçaient d'imiter, tout en désespérant d'y arriver. Un bon vieux chien, nommé Ben, suivait la troupe joyeuse. Ce quadrupède, l'un des plus respectables et des plus généreux de la création, trouvait probablement qu'il était de son devoir de ne pas laisser les enfants s'éloigner ainsi à l'aventure sans un gardien plus sérieux et plus grave que cet écervelé de Eustache Bright. Ici se termine La tête de la Gorgone par Nathaniel Hawthorne.